paie les deux taxes sur toute la marchandise en magasin ainsi que sur les services en atelier. Faites votre choix parmi notre vaste sélection d'œuvres d'artistes locaux et internationaux ou encore, profitez de nos services d'encadrement, de numérisation et d'impression d'œuvres d'art et de photographie. Durant tout le mois de janvier, ces taxes payées surtout aux trafiquants d'art à Limoilou. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. On est de retour après une longue pause musicale pour le temps des fêtes. J'en tiens la France en studio avec moi. Oui, bonsoir. Bonsoir, Myriam Leland. Simon Roy nous a concocté des sélections musicales pour entretenir notre plage pendant les fêtes. Et ben maintenant, Simon Roy est en vacances. Oui, bien mérité, d'ailleurs, je dois dire. Oui, en vacances, bien mérité. Et puis, on n'a pas eu l'occasion de faire une revue de l'année dernière. Tout à fait. Donc, on va le faire aujourd'hui. Oui, j'ai très hâte. Ça sera pas tout de suite parce que on commence avec une entrevue, c'est ça? C'est ça, on va commencer avec une entrevue avec Ariane Plante et Rosalie Desgagnés Ariane Plante, commissaire, Rosalie Desgagnés, artiste. Rosalie Desgagnés qui présente Règne artificiel 4 à partir de la semaine prochaine dans un tout nouvel espace de diffusion qui se trouve dans le Grand Théâtre c'est de Québec. C'est le studio, je crois que ça le studio que ça s'appelle, le studio du Grand Théâtre de Québec. Et j'ai bien d'en entendre parler, donc de parler aussi un peu de ce nouveau lieu de diffusion avec la commissaire Ariane Plante et de parler de cette œuvre qui en est à sa quatrième vie. Qui a été présentée en 2010 à l'œil de poisson pour sa première vie. J'ai hâte de voir cette évolution. Donc, elle fête son 10e anniversaire cette année, cette belle œuvre qui est Règne artificiel. Génial. Et ensuite, c'est toi qui as fait la sélection musicale aussi. J'ai décidé qu'on allait écouter du millimétrique. Donc, on tombe dans la musique de Québec, on reste dans la musique ambiance électronique et c'est son album. Northwest Passage New Era et on va écouter les trois premières pièces. Donc on va commencer par un extrait de Sournoise Supercherie et au retour c'est Ariane Plante et Rosalie Desgagnés. Thank you. De retour à l'aérospatiale, Gentiane La France avec vous et j'ai avec moi en studio Ariane Plante, bonsoir. Bonsoir. Et Rosalie Desgagnés, bonsoir Rosalie. Bonsoir. Je vous ai invité parce que à partir de la semaine prochaine, il va y avoir le projet Règne artificiel 4 qui va être présenté dans le studio du Grand Théâtre de Québec. Et Ariane Plante, tu es la commissaire de ces installations qui sont présentées depuis octobre dernier là, oui, au Grand Théâtre. Oui, c'est un nouvel espace, oui. Et Rosalie Desgagnés, donc tu es la deuxième artiste à avoir l'honneur, j'allais dire l'opportunité. L'opportunité, oui, merci. Voir l'honneur. L'opportunité d'investir cet espace qui est quand même assez particulier. Mm-hmm. J'aurais le goût d'abord de parler un peu de cet espace, justement, le studio du Grand Théâtre de Québec. C'est un espèce de lieu de passage, en quelque sorte. Bien, c'est un lieu qui a plusieurs vocations. Ouais. Il y a d'abord la vocation, c'était pour bonifier, si on veut, l'expérience client des spectateurs du Grand Théâtre, ouais, mais aussi pour amener d'autres publics au Grand Théâtre. Donc, la vocation est aussi une vocation de restauration. Donc, c'est le lieu où le bar pour les gens à l'entracte ou avant, mm-hmm, ou après les spectacles. Mm-hmm. Il y a une petite scène pour présenter des spectacles de musique ou autres, des lancements plus intimes. Et il y a cet espace d'exposition, si on veut, qui est extrêmement atypique. C'est ça surplombe singulier. Les spectateurs. Exactement. Et puis, les gens qui ont accès à la salle Louis Fréchette, qui est la grande salle au Grand Théâtre, ont accès aux œuvres qui sont présentées à tous les niveaux, qui montent à la mezzanine, corbeille, balcon. Ils vont avoir accès à différents points de vue des œuvres qui sont présentées dans cet espace-là, qui occupe toute la volumétrie de l'édifice, du plancher, genre, dans le fond, jusqu'au toit, là, au plafond. Donc, le rapport au corps est très particulier. Et puis, on est à l'opposé du cube blanc aussi. Là. C'est complètement très, très, très chargé comme espace. Les œuvres cohabitent avec la murale Jordi Bonnet. Je fais une collaboration posthume avec Jordi Bonnet. Oui, c'est ça. C'est une blague, mais c'est quand même c'est chargé. Oui, d'une certaine façon. Puis, en même temps, le style architectural brutaliste, je pense. Il y a un côté minimaliste où c'est oui, béton, angle droit, mais, mm-hmm, mais c'est clairement pas un espace neutre. C'est ça, et les artistes qui ont été invités doivent nécessairement tenir compte de ça pour faire leurs propositions, adapter leurs œuvres, comme dans le cas de Rosalie, ou faire carrément des nouvelles créations. Et pour ce projet Règne artificiel 4 qui va être présenté, donc on a plus de 40 dispositifs qui sont suspendus dans l'espace, c'est, mm-hmm, ça? En fait, oui, l'œuvre se présente comme en suspension dans cet immense volume-là là, qui s'étend sur les quatre étages, là, parterre, mezzanine, corbeille, mm-hmm, balcon, dans un ordre. Et c'est ça, les œuvres sont... C'est une installation qui est une accumulation de cellules, créatures qui peuvent évoquer des méduses ou des créatures marines, puis sont en suspension et puis se présentent comme... à la fois, en fait, autant d'individus, puis en même temps, un peu comme un banc de poissons ou un essaim d'abeilles. Donc, il y a comme à la fois, on peut les percevoir comme individus et comme une entité. Et concrètement, en fait, pour l'expérience des spectateurs, oui, c'est qu'à chacun des étages que j'ai énumérés tout à l'heure, il y a un sous-groupe, si on veut, d'individus qui correspond, okay, qui est visuellement, mm-hmm, perceptible. Donc, il y a un vis-à-vis à chaque, oui, à chaque étage. Voilà. Il y a un groupe qui est un peu un vis-à-vis de chaque étage pour avoir comme une expérience un peu plus frontale. Intime, si on veut, oui, avec, mm-hmm, la... Donc, il y a différents points de vue, différents lieux pour expérimenter l'installation. Quand on est dans l'espace du studio qui est un bar, ouais, on va plus être spectateur, en fait, comme si on était dans une espèce de fond marin. Mm-hmm. On a une vue en contre-plongée. Ouais. Oui, il y a quelque chose j'imagine qu'il y a quelque chose d'un peu vertigineux dans ce rapport-là à l'œuvre de se retrouver sous les installations. C'est vrai que c'est rare qu'on a ce point de vue-là sur mais une oui. installation. Oui, on est toujours soit immergé ou on a un point de vue frontal. Ou... Mais là, où on se retrouve sous les créatures qui respirent, c'est vrai que c'est un point de vue inusité. Là. Et puis là, Ariane, tu dis les créatures respirent. Là, on n'en a pas encore parlé. Ah oui, je m'excuse. Mais non, c'est correct, c'est correct. On y va au fil de la conversation. Donc, ces installations-là qui sont de plastique translucide gonflé, le gonflement est changeant. Donc c'est ça, les créatures sont animées d'un mouvement qui évoque la respiration et c'est dépendamment de en fait la présence des visiteurs sur chacun des étages va occasionner des réactions dans le système, dans cet organisme-là. Alors, les réactions vont se manifester justement tantôt par des changements dans le rythme respiratoire. Là. Je fais des guillemets en ce moment. Et dans aussi l'intensité lumineuse. L'idée étant que sur chaque sous-groupe a une cellule qui est un petit peu le point de contact avec les spectateurs, les visiteurs. Et cette cellule qui est surtout aussi physiquement à proximité des visiteurs va réagir et ensuite elle transmet sa réaction à ses voisines. Donc il y a un effet domino. Il y a un effet domino, oui. C'est ce qui fait qu'on essaie d'en percevoir chacun des éléments comme des individus, tantôt comme une entité là, avec une intelligence collective. Donc les œuvres vont réagir avec la présence de personnes sur chaque étage de balcon. Est-ce qu'il y a également une interaction avec ce qui se passe au sol? Non, justement, l'expérience est différente au sol, on est plus spectateur des activités, des interactions qui se passent aux étages supérieurs. Et mais je trouve ça fascinant, je l'ai pas vu l'installation, mais il y a dans cette réaction-là de souffle court, il y a quelque chose de l'amour, il y a quelque chose de la peur, il y a vraiment quelque chose, en tant qu'être humain, on se projette sur ces bêtes-là. Oui, je dirais non seulement on se projette, mais c'est un petit peu, en fait, je me fie un peu aux réactions là, du public quand je les ai présentées dans d'autres occasions. Ça peut avoir un effet un peu anxiogène, c'est comme à la limite de... entre le merveilleux et l'éblouissant, puis anxiolytique. Donc, ça joue un peu là, sur... Mais c'est ça, il y a cette respiration saccadée de quand on ressent la peur ou quand on est amoureux. Puis il y a quelque chose, c'est vraiment au niveau de l'expérience que ça se passe. Donc, on peut décrire, mais c'est quand on le reçoit, quand on... Ça, c'est un petit peu contagieux, je pense. C'est dans le soubresaut là, que leur souffle qui a une espèce de nervosité aussi, ouais, là, justement, ça. Dans c'est leur réaction court. Aussi. Ouais. Et c'est la quatrième occurrence, Rosalie Desgagnés, de cette œuvre-là, Règne artificiel. En fait, je dirais que c'est comme une espèce qui a évolué dans le temps, parce que visuellement, chaque espèce a changé beaucoup. À chaque fois, les formes sont différentes. Oui, sauf Règne artificiel 3 et 4, où là, on peut dire que c'est une réitération au niveau formel. Mm-hmm. Par contre, au niveau du comportement des créatures, appelons-les les créatures, le comportement s'est raffiné, c'est aussi individualisé. Donc, parce que j'en glissais un mot tout à l'heure avec Myriam, ma co-animatrice, c'est le 10e anniversaire de l'installation. Ma foi, oui. Parce que la première fois qu'elle a été présentée, c'était en 2010 à l'Œil de Poisson. Absolument, vous êtes bien informée. C'était un petit retour à Québec aussi pour Règne artificiel. Oui, on peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça. À l'Œil de Poisson, c'était dans la petite salle. Et en fait, j'invite les gens à rechercher la documentation. Vous allez pouvoir... dans la petite galerie, on a encore un espace qui est très en hauteur, mais beaucoup plus restreint. Là. Oui. Puis, c'était autre chose, en fait. Ça permet vraiment de voir comment, comme tout règne, comme toute forme de vie qui se prolonge dans le temps, ben, il y a une évolution. Hein? Mais disons que l'ampleur de cette version-là est quand même très différente des autres versions qui ont été faites. C'est la première fois que c'est à aussi grande échelle. Absolument. C'est ça. Des 45 unités dans un plafond de plus de 40 pieds. Alors là, c'est sûr qu'on est dans une envergure vraiment différente. Et Ariane Plante, ben, toi, tu es la commissaire. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette œuvre-là pour le studio Grand Théâtre de Québec? Toutes les composantes, tous les paramètres de cette œuvre-là m'attiraient pour cet espace-là dans son occupation de la volumétrie, parce que l'espace appelle aussi certaines projections vidéo et certaines autres formes. Et là, on a une œuvre qui... au Grand Théâtre, il y avait aussi un souhait d'avoir des œuvres qui ont de l'interactivité avec les spectateurs, mm-hmm. où l'engagement du spectateur peut avoir une influence sur l'œuvre. Donc là, on répondait on rencontrait ce rêve-là, si on veut, puis dans sa manière d'occuper toute la volumétrie en hauteur de l'espace, le jeu, le rapport à la lumière, les formes qu'on reconnaît. Parce que, bon, au Grand Théâtre aussi, on cherchait... On a souvent le mot accessibilité. Bon, qu'est-ce que l'accessibilité? On pourrait en discuter longtemps, mais cette œuvre-là permettait à des gens néophytes qui n'ont jamais eu de contact avec les arts numériques d'arriver à la rencontre de cette forme d'écriture-là et de pouvoir y voir des formes aussi qu'ils étaient capables de reconnaître, qui faisaient penser à des choses qu'ils connaissaient. Fait qu'il y avait, mais c'est une magnifique œuvre, et là, son déploiement dans l'espace est absolument fascinant. Là, chaque jour, on fait « Oh, wow! » Ça fonctionne vraiment bien de l'avoir déployé comme ça dans toute cette hauteur-là et cette envergure-là, dans le fond. Donc, c'est quand même assez... c'est une grande échelle, là. C'est monumental. C'est monumental. C'est monumental. Ouais. Moi, je le dis comme... Oui, c'est monumental. On peut le dire comme ça. Il n'y a pas de lieu d'exposition que moi, je connais, où on a tant l'opportunité ici, disons, à Québec ou au Québec, de présenter des œuvres de cette envergure-là, mm-hmm. à moins qu'on loue peut-être à l'Arsenal à Montréal, où on loue des espaces particuliers. Mais là, c'était aussi d'inviter quelqu'un à... Moi, j'ai vraiment approché Rosalie en disant... Ce serait bien si... Moi, cette œuvre-là m'intéresse, tu pourrais imaginer... C'était une carte blanche, elle pouvait nous proposer ce qu'elle voulait, mais si tu veux nous proposer une itération de Règne artificiel 3, ça, je pense que ça fonctionnerait vraiment très bien. Puis il y a un aspect lumineux, il y a toute une écriture très fine dans le comportement des cellules. Puis moi, ce qui m'attire aussi beaucoup, c'est tout le dialogue entre des formes, entre l'aspect naturel, puis les procédés technologiques. Donc, cet aspect-là dans le travail de Rosalie m'attire. Ça, c'est mes affinités propres là, de commissaire, on peut dire. Mais en tout cas, on va pouvoir revoir ça à partir de la semaine prochaine. Le vernissage est mercredi prochain. Mercredi 15 janvier. Oui. À partir de 17h. Et il va y avoir une rencontre avec vous deux et le public qui va être vendredi. À 17h également. Mais c'est le vendredi 7 février. 7 février, oui, je viens de voir ça. Donc, c'est vendredi 7 février, donc on est plus en phase finissage, si on veut. Non, même c'est, pas c'est parce qu'on est miliotage. Ouais. Ça se poursuit jusqu'au mois de mai. Jusqu'au 3 mai. C'est ça. Merci beaucoup, Ariane Plante et Rosalie Desgagnés, d'être venues en studio pour parler de Règne artificiel 4. Et nous, on va prendre une pause musicale. Et au retour, plusieurs chroniqueuses viennent nous rejoindre pour la revue de l'année. Bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine sur les arts visuels à Québec, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. En studio avec nous, c'est le plus de personnes qu'on a eu depuis probablement la même période l'année dernière. Oui, depuis la revue l'an dernier. Exactement. Donc, en studio avec nous, on a Anne-Sophie Homère. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Mais ça va très bien, très oui, bien, merci. Oui, t'as hâte de nous parler de ton coup de cœur 2019. Oh oui. Audrey Carreau, bonsoir aussi, merci d'être là. Allô. Ça va bien? Très bien, oui. Heureuse d'être de retour. On est très heureuse de vous accueillir toutes également. Delphine Eguesbar également. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en studio avec nous. Puis on a Cassandra Graham, qui est notre petite nouvelle de cette année aussi. Oui, allô? Merci d'être là ce soir. Donc, Anne-Sophie, peux-tu nous dire rapidement c'est quoi ton coup de cœur cette année? De quoi oui, vas-tu bien sûr. Ben, c'est toujours aussi difficile de choisir parmi la sélection à Québec. Maman. Donc, cette fois, je me suis arrêtée sur l'exposition de Christiane Baumgartner qui avait lieu à Engram. Je crois que tu y étais allée aussi, tu l'avais couverte. On a eu une très belle manif. Oui, hein, c'était vraiment magnifique. Donc, effectivement, c'était durant Manif 9. Donc, du 19 février au 21 avril. Oui, c'est ça, à l'hiver, hiver 2019. Exactement. Donc, Christiane Baumgartner, qui est une artiste allemande qui fait de la gravure, oui. Qui nous a présenté en fait 5 nouvelles œuvres à Engram qu'elle a travaillées durant de longues périodes, puisque c'est un travail extrêmement minutieux sur de grandes planches de bois qu'elle a travaillées. Parfait, on va continuer à en parler après la pause. Cassandra Graham, quel est ton coup de cœur à toi dont tu vas nous parler? Oui, moi j'ai décidé de parler de la résidence ouverte de Francis Sarguin qui oui. s'est passée à l'œil de poisson, à la petite Génial. Galerie de poisson. Ouais, on avait reçu Caroline Belzile-Normand qui nous en avait glissé quelques mots. On a hâte d'en entendre parler un petit peu plus. Oui, j'ai hâte de vous en parler. Audrey Carreau, c'est quoi ton coup de cœur cette année, toi? Bon, mais moi, ça a été difficile. Toujours. Puis, disons aussi, j'ai été un peu torturée par le statut que j'ai, mais je m'assume, c'est l'exposition de Paryse Martin à la Galerie 3. Et oui. Bon, voilà, je le dis. C'est beau, on te pardonne. Delphine Eguesbar, peux-tu nous dire c'est quoi ton coup de cœur? Oui, alors je vais parler un peu, je vais revenir sur le parcours in situ de l'Orchestre de Marquès et Claudie Gagnon, cette tête de roi qui a eu lieu cet été. Génial. Ben, on se laisse pour une courte pause publicitaire. Puis au retour, on parle à Anne-Sophie Homère de Christiane Baumgartner dans le cadre de la Manif d'art. CKRL. Pour tout le mois de janvier, les trafiquants d'art paient les 2 taxes sur toute la marchandise en magasin ainsi que sur les services en atelier. Faites votre choix parmi notre vaste sélection d'œuvres d'artistes locaux et internationaux ou encore... Profitez de nos services d'encadrement, de numérisation et d'impression d'œuvres d'art et de photographie. Durant tout le mois de janvier, ces taxes payées surtout aux trafiquants d'art à Limoilou. Bon, silence. Venez découvrir le nouveau cinéma Le Clap de Place Sainte-Foy. En janvier, voyez au cinéma Le Clap Loretteville et celui de Place Sainte-Foy Le Chant des Noms dès le 10 janvier. Le voyage du docteur Doolittle dès le 17. Joyeuse retraite dès le 24 janvier. Et la section rythmique dès le 31. Pour obtenir les détails à l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma. Pas game de t'inscrire à un cours de danse? Viens danser le swing. Temposwing.com. Les inscriptions sont ouvertes. Vous vivez de l'intimidation au travail? Dénoncer, c'est une décision difficile à prendre. Ici Mélanie Fleurant, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Mes services de consultation ont pour but de vous aider à y voir plus clair à chaque étape de votre démarche, soit l'analyse et le montage de votre dossier, les recherches en lien avec votre situation et l'accompagnement en médiation. Pour en savoir davantage, visitez intimidationtravail.com. La première consultation est gratuite. Vous devez penser à tout, tout le temps et pour tout le monde, autant à la maison qu'au travail. Vous vivez ce qu'on appelle la charge mentale. Ici Julie Bastide, coach conférencière, pour amener les femmes à concilier la performance avec la zénitude. Je vous invite à la journée Maître de ma vie, le 22 février, au Centre des congrès de Lévis. L'objectif? Vous réapproprier votre cerveau au quotidien. Participez comme plus d'une centaine de femmes et réservez votre place sur zenperformance.ca. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. Premier acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et le collectif Les Reines, présente Point ES, chapitre 1, Soi. C'est un peu du théâtre documentaire, avec comme sujet d'enquête nous-mêmes, les comédiennes, et notre relation avec le pouvoir. C'est aussi de l'autofiction. On raconte notre histoire, on se dévoile. On pourrait aussi comparer ça à un essai littéraire. On exprime nos points de vue nuancés, on prend position. On est mieux de dire tout de suite que c'est un projet féministe. Oui. Point ES, chapitre 1, Soi. Du 21 janvier au 8 février à Premier Acte. Informations et billets à premieracte.ca. T'as trop mangé de bûches dans le temps des fêtes? Viens danser le swing. Temposwing.com. Les inscriptions sont ouvertes. Bienvenue à l'Aérospatial Magazine sur les arts visuels à Québec. Myriam Leland, toujours au micro, sur les ondes de CKRL 89.1. Toujours avec notre belle gang de chroniqueuses en studio pour parler de nos coups de cœur, leurs coups de cœur 2019, dans le monde des arts visuels, bien sûr. Anne-Sophie Homère, c'est toi qui brises la glace ce soir. Quel rôle important j'ai joué. Donc, tu nous parlais juste avant la pause publicitaire, justement, que toi, ton coup de cœur, c'était l'exposition de Christiane Baumgartner à Engramme, oui, dans le cadre de Manif 9. Oui. C'était, ben, naturellement, de la gravure, des estampes, xylogravure, si je ne me trompe tout pas. Tout à fait, gravure sur bois, oui. Ouais. Qu'est-ce qui te fait choisir ça? Ben, c'est vrai que c'était vraiment difficile. Et puis, tu vois, là, passé l'année, c'est une qui me revient souvent en tête. Mm-hmm. Et pourquoi je l'ai choisie plus qu'une autre? Parce que j'ai été très impressionnée par la quantité de travail faite par Christiane Baumgartner. Effectivement, elle travaillait quasiment jour et nuit pour que tout soit prêt pour Manif, parce qu'elle avait décidé de créer 5 nouvelles œuvres. Oui, en fait, c'est une œuvre complète. Oui, aussi. Tout à fait. Il y en avait même 2. Il y avait The oui, Wave et Phoenix qui étaient présentes au Musée national des Beaux-Arts. Et effectivement, oui, je pense que c'est la quantité de travail en gravure sur bois qui m'a impressionnée. Mm-hmm. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler. Moi, j'ai beaucoup aimé dans cette exposition-là la finesse du rendu de l'eau tout en parce que c'était des surfaces d'eau ou des bas de chute dans le fond, des trucs comme ça là, tu sais, et puis toute la vaporisation, je dirais, oui, de l'eau, ouais, toute la finesse du rendu de cette espèce de, ouais, de boucan chaque d'eau. Ligne avait sa place pour rendre ce fini là qui était magnifique, extraordinaire. Oui, tout à fait. Mais ouais, c'était vraiment impressionnant, parce qu'en plus, effectivement, tout est des petites coches de bois finalement dans le bois. Oui. Et ce rendu, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous à peu près à un mètre des œuvres, ça vous donnait le tournis. Il fallait vraiment avoir du recul pour, oui, s'apercevoir de l'ensemble, et donc voir les éclaboussures d'eau, voir les mouvements d'eau. C'était vraiment, effectivement, un travail. Mais ça, c'est ce qui caractérise le travail de Christiane Baumgartner, qu'on retrouve, mm-hmm, dans The Wave et Phoenix. De près, on voit qu'un ensemble de tâches, de points, des noirs et des contrastes. Mm-hmm. Finalement, c'est en se reculant qu'on s'aperçoit de l'ensemble du paysage. Oui. De près, c'est presque abstrait, en, oui, fait. J'avais pas pu aller voir ce qui était à Engramme, mais ces œuvres qui étaient au Musée national, oui, des Beaux-Arts, oui, du Québec, dans l'exposition principale, c'est ça. Dès qu'on était de près, en fait, on se demandait presque ce que c'était. C'était que des lignes. C'était vraiment étourdissant, comme tu le dis. Oui, tout puis à fait. Puis dès, oui, qu'on se reculait, ben là, on avait un paysage qui était phénoménal. Oui, hallucinant. Ouais. En plus, un paysage québécois. Oui, une source vrai d'eau au Québec, mm-hmm, tout à fait. Et, oui, et ce travail de la ligne, oui, ben, j'imagine que le titre Stairway to Heavens, mon, ouais, super accent anglais, ça vient un peu de cette façon dont les œuvres étaient disposées dans la galerie. Là. Oui. Exactement, il y avait vraiment un gros travail, effectivement, dans l'installation. C'était au millimètre près que les œuvres ont été installées pour suivre, ouais, la ligne d'eau, pour qu'on ait vraiment un paysage sur l'ensemble des œuvres, en fait, qui se créent Mais merci beaucoup, Anne-Sophie Amard, pour plaisir, ce beau filles. Coup de cœur. Merci, pour merci notre de nous avoir revue. Visité en studio. Et c'est au tour d'Audrey Carreau de nous partager son coup de cœur pour l'année 2019. Alors, Audrey, toi, ton cœur a battu pour Paris Martin. Ben oui, comme je disais tout à l'heure, j'avoue un peu mon parti pris parce que c'est à la galerie où je travaille qu'a été présentée cette exposition-là, mais quand même, je dois le dire, j'ai fait l'exercice que vous m'avez proposé et c'est quelque chose, c'est la seule expo qui me revenait comme un gros, gros, gros coup de cœur. J'ai eu des petits éléments qui ont retenu mon attention, mais ça, vraiment, à Québec, et ça a été, je crois bien, une des expositions les plus importantes là, et les plus appréciées pendant la saison. Donc, une exposition qui s'intitule « Limbe et renversement ». Pour ceux qui connaissent pas Paris, c'est une des grandes dames, une des grandes artistes de Québec. Coup de cœur pour l'artiste, non seulement pour l'exposition, mais c'est juste une femme tellement merveilleuse. Un être merveilleux, et effectivement. Et surtout, c'est que son travail est vraiment à l'image de la personne qu'elle est. Très, très riche, très complexe, vraiment aussi dans un... très fantaisiste, hein? On est dans le merveilleux, là, on le dit, là, une merveilleuse exposition, c'est aussi dans cet aspect-là. Oui. On est dans les bêtes imaginaires, mais on est aussi dans un foisonnement d'œuvres qu'elle nous a proposées. Je pense que ça doit être une de ses expos les plus chargées qu'elle nous avait proposées. Elle occupait tous les espaces, puis près de 40 œuvres quand même qui étaient là. Dans la galerie 3, c'est quand même, oui. quand même quelque chose. Et toutes des œuvres qui ont été produites en 2019, là, c'est quand même assez impressionnant. Pas toutes, mais... La grande majorité, effectivement, était de l'année. En tout cas, les pièces les plus majeures, effectivement, étaient de cette année. Donc, des bronzes, des sculptures en bronze. On avait des sculptures en carton. On avait des dessins à la fois en coloris, donc avec de l'aquarelle, avec de la gouache et avec l'acrylique et d'autres sortes de médiums, voilà. Et puis, on avait aussi, donc, des sculptures en bronze patinées qui étaient... ma foi, incroyable. Ouais. Là. Je pense notamment à ce chien-lapin là, qui a été le coup de cœur de bien des gens, mais aussi cette suspension des œuvres très surprenante. Avec une délicatesse incroyable. Un rapport technique très, très intéressant, puis aussi très complexe. Là. Elle a donné du gros fil à retordre. Elle sait donner du fil à retordre, mais aussi beaucoup aux gens de Inverness avec qui elle a travaillé là-dessus. Et... pourquoi cette exposition-là? Là, tu en parles avec beaucoup d'amour, mais pourquoi cette exposition-là en particulier, Audrey Carreau? Parce que je trouve que ça nous permettait vraiment bien d'entrer dans son univers et de la connaître. Parce que souvent, Paris, on la voit en extrait, à gauche, à droite, mais le foisonnement et la générosité de cette exposition-là, je trouve, rendait vraiment grâce et hommage à cette femme-là qui était là. Et puis, je pense que c'est ça. Puis c'est de voir l'enthousiasme aussi des gens. J'ai collaboré avec Paris pour le montage de l'exposition, mais aussi c'est de voir le plaisir des gens à découvrir puis combien les gens passaient de temps. On dit souvent qu'en art, la statistique, là, elle est de 8 secondes à peu près par œuvre qu'on va passer devant une œuvre. Donc, l'attention est très courte, mais très souvent, les gens restaient au moins, je vous dirais, 20 à 30 minutes dans l'exposition. Puis on est dans une expo de galerie, on n'est pas dans un musée. C'est une œuvre en soi, en fait. Exact. Surtout quand c'est monographique comme ça, quand c'est solo. Comme tu dis, ça crée tellement une atmosphère qui est propre à l'artiste. Puis c'était ça, je pense qu'aussi, on avait plein de petits univers. C'est ça, tu parles d'atmosphère, mais moi, c'est ça, c'est cette impression-là qu'on voyait vraiment tout un pan de la diversité des univers fantaisistes et fantastiques dans lesquels peut nous amener l'artiste. Et tout le monde y trouvait son compte, parce que je demandais souvent aux gens c'était quoi leur coup de cœur. Il y avait des chouchous, mais il y avait beaucoup de diversité aussi dans les coups de cœur des gens. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Puis je pense que Paris aussi était très stimulée par cette exposition-là, ce solo qu'elle a fait. Et elle me disait que ce n'est que le début, puis la prochaine est déjà dans le collimateur, dans sa tête en tout cas. Quelle femme inspirante. Oui, vraiment. Justement, j'en profite avec notre petite dernière minute. Tant qu'à avoir un parti pris, je te lance dans le sujet chaud. C'était comment travailler avec Paris Martin? Ah, fort agréable, parce que cette exposition-là, je l'ai suivie pendant plusieurs mois. Donc, elle nous a invités, moi et Norbert et Adila de la Galerie 3, donc à aller visiter de temps à autre l'atelier où on voyait les œuvres évoluer, notamment les dessins, et c'était vraiment super incroyable. Puis des fois aussi, j'ai aimé d'être dans le processus aussi, dans les doutes, les questionnements qui l'accablaient à certains moments de cette production-là. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié, d'avoir été dans cette proximité-là avec l'artiste, puis de découvrir aussi que même à après plus de 30 ans de carrière, oui, on même. S'entend là, que il y a encore ces doutes, mais qu'elle est une grande technicienne, puis qu'elle sait exactement des fois où elle s'en va là aussi. Oui, merci beaucoup Audrey Caro. Merci Anne-Sophie Homer également, qu'on a entendu en début de segment. Jean-Tiane Lafrance et Myriam Leland au micro de l'aérospatiale. On se laisse pour une petite pause audio. Les artefacts du futur de Millimétrique. Au retour de la pause, on écoute Jean-Tiane. Mais c'est Delphine Eguesbar et Cassandra Graham qui vont nous partager leur coup de cœur. On poursuit notre revue de l'année en art visuel pour 2019 avec nos chroniqueuses à l'aérospatiale et Delphine Eguesbar. C'est une œuvre très multidisciplinaire qui a accroché ton cœur au cours des 2019. Oui, absolument. L'œuvre ou le parcours ou l'expérience, cette tête de roi, je ne saurais exactement comment la définir, mais je pense qu'officiellement, on parlait d'un spectacle extérieur et déambulatoire conçu pour l'espace forestier. Cette tête de roi, c'est la première collaboration de l'Orchestre d'Hommes Orchestre et Claudie Gagnon. Donc déjà, quand même, Claudie Gagnon, une artiste multidisciplinaire qu'on connaît notamment pour ses tableaux vivants, et l'Orchestre d'Hommes Orchestre qui travaille à l'intersection des arts vivants, là. Donc, vraiment, une collaboration qui se manifestait par la musique, par la performance, par des tableaux vivants, justement, qui se déployaient en 2019 dans le domaine Mézeray. Il faut dire que la première manifestation de cette tête de roi était présentée dans Portneuf, à Saint-Alban, au parc naturel régional de Portneuf. Et cette tête de roi, c'est vraiment conçu in situ pour oui. vraiment s'insérer dans l'espace forestier pour le transformer en un théâtre, pratiquement. C'est absolument magnifique. Moi, c'est ce qui m'a frappée. Est-ce que tu l'avais vu à Portneuf? Malheureusement pas pu le voir à Portneuf, mais j'étais absolument ravie de savoir que ça allait être présenté en 2019 parce que j'ai pas eu la chance de le voir en 2018. Et donc, ça a été un peu adapté nécessairement pour être présenté au domaine Maizeray. D'après, il y a eu certains ajustements qui ont été faits parce que c'est vraiment réfléchi à partir du mobilier urbain, à partir de la topographie, de l'environnement, à partir de la végétation. Donc, ça émerge finalement de cet environnement-là. Oui, ben oui, en fait, c'est les installations, ben les tableaux vivants, mm-hmm. installations, en tout cas, c'est difficile de les nommer, ils étaient vraiment ancrés dans la végétation environnante, c'est incroyable. Il s'insérait parfaitement, en fait, dans l'environnement naturel du domaine Maizeray. Et puis, cette tête de roi, ça nous plongeait un peu dans l'univers du conte. Oui. Mais c'était des tableaux vivants sans parole, qui étaient habités parfois par des bruits, par des sons, par de la musique. Il y avait évidemment des musiciens qui se trouvaient parmi les performeurs. Mais on se retrouvait donc devant ces différents tableaux-là, quand même devant, c'est ça, une panoplie de rois, mais des rois qui étaient tous très, très différents. Il y avait des très jeunes rois, des rois beaucoup plus âgés, des rois qui étaient touchants, des rois qui avaient l'air très solitaires. Il y avait un personnage, entre autres, je pense que c'est un des tableaux qui m'a les plus marqué, c'était un personnage qui était attablé à une très, très, très longue table qui était complètement recouverte de centaines de pièces de verre, puis il mangeait seul, mais il y avait un visage qui était extrêmement, extrêmement expressif, puis c'était comme criant, ce visage-là de douleur ou de solitude. Mm-hmm. Puis je me souviens qu'il m'avait vraiment saisi ce tableau-là, mais il y en a d'autres où on retrouvait beaucoup l'univers visuel de Claudie Gagnon, entre autres par deux personnages qui étaient presque dissimulés par des herbes hautes, mais parmi des fleurs, des petits boutons de fleurs jaunes dans un éclairage artificiel qui avait été apporté dans cet espace-là. Puis on voyait ces personnages où les yeux étaient rehaussés, comme on trouve dans les photographies les plus récentes là, qui sont rehaussées à la peinture de Claudie Gagnon. Ça crée un regard qui est très brillant, qui est très perçant, mais qui est très troublant aussi. Donc, il y avait beaucoup de malaise aussi. Il y avait de l'humour, il y avait des malaises, il y avait de l'émerveillement. C'était très, très, très riche comme expérience. Absolument. Puis justement, tu l'as très bien nommé, il y avait des personnages qui étaient plus caricaturaux, il y en avait d'autres qui étaient plus joueurs, il y en avait qui nous faisaient sourire, il y en avait qui étaient justement... qui étaient... étrange, qu'on voyait apparaître, qu'on n'avait pas vu au départ, qui était dissimulé un peu dans les branches. Donc, on était vraiment dans un univers qui est très difficile à nommer, en fait. Des personnages, il y en avait des tonnes, ils étaient complexes aussi, et ils s'inséraient magnifiquement dans les espaces, là. Puis, ce qui est intéressant aussi avec ce projet-là, les sept têtes de roi de l'Orchestre de Morchestre de Claudie Gagnon, c'est que, tu l'as mentionné, Delphine Gaspard, il y avait des musiciens, il y avait des comédiens, des comédiennes, c'était très diversifié, mais il y avait aussi des gens de la population générale qui sont pas professionnels. Ça donnait aussi un côté un peu plus edgy, en bon français. Tu sais, comme cette espèce de maladresse du non-professionnel faisait partie aussi de cette ambiance qui peut rendre un peu mal à l'aise. Plus expérimental. Ouais. Ouais. Ça participait, je trouve, de la vulnérabilité de certains personnages. Ouais, c'est ça. Ouais, justement, ça venait habiter différemment l'interprétation de certains tableaux. Absolument. Mais merci beaucoup, Delphine Gaspard, d'avoir partagé ton très beau coup de cœur pour l'année 2019 dans le monde des arts visuels et plus grand encore. Et il y a Cassandra Graham aussi qui a décidé de nous partager son coup de cœur pour l'année 2019. Et on est dans un tout autre univers. On est plongé dans la petite galerie de l'œil de poisson avec la résidence de Francis Arguin qui a eu lieu du 23 octobre au 29 novembre. Et c'était une résidence ouverte. Donc, l'artiste s'est installé dans la galerie et on pouvait visiter tout au long pour voir l'évolution de cette résidence-là. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette exposition-là en particulier, Cassandra? Donc, moi, j'ai visité cette exposition-là pendant le finissage, qui avait lieu le 29 novembre. Faut dire aussi que je suis étudiante à la maîtrise avec Francis, donc j'ai vu l'œuvre se déployer, évoluer à l'atelier, donc pas à l'œil de poisson, mais vraiment à l'atelier, le voir un peu cogiter sur ses pièces sculpturales, puis essayer de trouver des stratégies pour... créer ces espèces d'objets du quotidien. Puis, moi, en fait, j'ai choisi parce que ça a été vraiment un coup de cœur, un coup de foudre, en fait. Je suis entrée dans le couloir de l'œil de poisson, puis je suis entrée pour aller dans la galerie. Puis, il m'avait dit un petit peu ce qu'il voulait faire, mais là, vraiment, là, ça surprenait. On tombe face à face avec une espèce de cadre de fenêtre, avec des stores un peu brisés, en équilibre sur une poutre. Donc, alors, de premier regard, on voit une espèce de structure précaire, puis aussi insolite, parce que c'est pas quelque chose qu'on verrait d'ordinaire. Puis là, pour ceux qui connaissent l'espace de la galerie, c'est un espace extrêmement exigu, qui a une forme particulière, parce que c'est petit et c'est très haut. Donc le plafond ne finit plus de finir, finalement. Puis c'est particulier parce que justement, les fenêtres étaient comme bloquaient l'espace, finalement. Il fallait passer par en dessous pour avoir accès au reste de la galerie. Donc, une espèce de jeu de limbo aussi qui a donné un jeu de limbo finalement au finissage. Mais en tout cas, ce qui était particulier, c'était vraiment que l'espace était scindé par ces fenêtres à travers lesquelles on pouvait voir les choses aussi. Donc, premier élément. Puis ensuite, c'est vraiment ce qui m'a touchée, moi, c'est vraiment les détails, les subtilités aussi. Pour ceux qui connaissent le travail de Francis Targuin, c'est quelqu'un qui travaille avec ce qu'on remarque pas au premier coup d'œil. Donc, il va faire des sculptures qui vont ressembler à des calorifères. On va pas les voir tout de suite. C'est des éléments du quotidien qu'on est tellement habitué de voir que finalement, ils prennent plus d'importance dans la galerie. Puis, mis à part ces fenêtres installées sur la poutre, il y avait aussi d'autres éléments qu'on découvre pas mal plus tard, puis des fois qu'on découvre pas du tout. Moi, j'ai passé un temps substantiel dans la petite galerie, alors j'ai comme eu la chance de découvrir tout ce qu'il y avait à voir. Mais il y a beaucoup de gens qui vont voir, pensent que c'est seulement des fenêtres, puis ensuite repartent sans avoir vu nécessairement tout ce qu'il y avait à voir. Puis, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on voit les éléments à travers les autres éléments. Donc, moi, je me suis rendu compte d'une comme des points de vue. Exactement. Mm-hmm. Je me suis rendu compte d'un des points de vue de l'œuvre qui était une espèce de poutre qui était à qui était très haute, finalement, qui était quasiment dans le plafond. Une poutre où il y avait des espèces de câbles, des extensions électriques et tout ça. Puis, franchement, là, j'ai été bluffée parce que je pensais que ça avait toujours été là, cette poutre-là. Puis je m'étais dit, mon Dieu, mais il a bien pas soigné le plafond, l'esthétique du plafond, pour finalement me rendre compte que, en fait, c'est qu'il avait inséré ces poutres-là dans le gypse, puis il avait pris ses mesures au crayon de plomb, puis c'est de cette manière-là que j'ai découvert que c'est lui qui l'avait fait. Mais sinon, j'avais aucun indice qui pouvait me dire que parce c'était, que c'est lui qui l'a mis, la poutre. Ah, oui. Ça, je m'en étais pas rendu compte. Je pensais qu'elle avait toujours été là. Oui. Exactement comme moi. Puis je me suis dit, mon Dieu, il me semble que c'est pas esthétique du tout. Ça n'a pas sa place dans une galerie. C'est tellement tout seul. Oui, c'était là. Donc, il y a beaucoup de c'est un jeu un peu de chercher trouve avec les spectateurs. Oui. Puis justement, à un moment donné, il s'est demandé, est-ce que je dois le dire aux gens qui le voient pas? Est-ce que ça fait partie de là? Puis je lui ai dit, non, justement, c'est là et tout le. Ça fait partie de l'expérience. Exactement. Puis justement, en reparlant après que cette expérience-là soit fini, on continue à la revivre, comme Jean-Tiane vient de découvrir que ben oui, la poutre n'avait pas toujours été là. Je retourne dans la petite galerie de l'œil de poisson, avez-vous je vais lever aussi, les yeux aussi. Avez-vous remarqué l'espèce de poutre, de la fausse poutre d'aluminium qui avait dans un coin qui était comme... Qui faisait partie aussi. Il y avait ça, tellement de détails. Oui, c'est un jeu de mémoire aujourd'hui. Ah oui, oh wow. Ben oui, c'est ça. Donc, une œuvre qui demandait beaucoup, beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Puis une espèce de satisfaction de faire comme... Oh! C'est des petites découvertes à chaque fois, oui. C'est vraiment amusant. Puis en même temps, c'est tellement on est tellement dans le banal que c'est comme merveilleux en même temps, en tout cas pour moi. Là. Oui, c'est ça, de s'attarder à des petits détails banals, ça finit par donner des petits émerveillements qui sont très, très satisfaisants. Mais merci beaucoup, Cassandra Graham, d'avoir partagé ton coup de cœur de l'année 2019, qui était cette résidence de Francis Harguin qui était présentée à l'Œil de Poisson en octobre et en novembre. Et nous, on va prendre une pause musicale avec Suicide bipolaire de Millimétrique. Et au retour de la pause, c'est l'agenda de la semaine. Bienvenue pour ce dernier court segment de l'Aérospatiale, magazine sur les arts visuels à Québec. Myriam Leland au micro, Gentilienne de la France avec moi en studio. On a un très court agenda de la semaine cette semaine. Le retour des fêtes se fait sentir dans le monde des arts visuels. Donc, en ce moment, au moment où on se parle, il y a le lancement de la programmation du mois Multi 2020. Ça se passe au Maelstrom. Ensuite, le prochain événement, c'est mercredi prochain. Donc, vous avez une semaine de pause complète. C'est le Smash que ça s'appelle. C'est le premier happening artistique mensuel du duo d'artistes Tony et Chloé. Et ça se passe au Diner Saint-Sauveur dès 17h. Ça va être quelque chose de mensuel, comme je dis. Ça, c'est la première édition. Intriguant. Et très intriguant. Je suis bien curieuse de voir qu'est-ce que c'est. Puis, finalement, mercredi, le 15 janvier, toujours, on va avoir le vernissage de l'exposition inspiré de la pièce « Les mains d'Edwidge au moment de la naissance ». C'est un texte de Wajdi Mouawad. L'œuvre, l'exposition est réalisée par Martin Pantois. Dès 18h30, le vernissage, juste avant la première médiatique de la pièce de théâtre. L'œuvre, l'exposition s'appelle « Inconsolation ». Jean-Tiens, je me demandais, on n'a pas eu le temps? Mais toi, c'est quoi ton coup de cœur 2019? Vite, vite, demain. Oui, rapidement. moi, j'ai beaucoup aimé la rétrospective du travail d'Yvan Binette qui était présentée à la maison Amel Bruno. Moi, mon cœur était à la photographie, fait que c'est sûr que c'est difficile de s'en défaire. Et toi, Myriam, c'est quoi ton coup de cœur? J'ai pas eu, un peu comme Audrey, j'ai pas eu de gros coups de foudre, coups de cœur, mais j'ai eu des petits points comme ça. J'ai beaucoup aimé les œuvres qui étaient présentées dans La vitesse de l'ombre de Maxime Bruno à Critérium juste avant les fêtes. Très rigolo. C'était très rigolo, je riais vraiment toute seule dans la galerie, j'ai adoré ça. Puis petite mention spéciale à la Manif 9. Belle édition. Belle édition. J'ai beaucoup aimé, on parlait de Christiane Baumgartner tantôt, j'ai aimé les rappels qui se faisaient de l'exposition centrale à toutes les expositions satellites. Donc, on termine l'émission comme ça. J'aimerais prendre le temps de remercier nos collaboratrices. On a bien aimé ça, recevoir autant de personnes en studio. Oui, il y a de l'action avec les enfants et tout et tout. Oui, c'est ça. On entendait quelques bruits, peut-être. Mais merci à Cassandra Garam, merci à Delphine Gasbar, merci à Audrey Caro et merci également à Anne-Sophie Omar, nos collaboratrices, et un grand merci également à Rosalie Dumont-Gagnier et Ariane Plante pour qui étaient nos invités en première partie. Et c'est le moment de parler avec Pierre Blais des Golden Globes. CKRL. Communication. Culture. Parce qu'on peut pas passer à côté des Golden Globes à situation critique. Non, c'est ce qui a ouvert l'année du côté du cinéma. Et il faut le dire, lundi prochain, on va avoir droit aux nominations pour les Oscars. Donc, c'est un peu les prémices, hein, les Golden Globes. Mais c'est une soirée qui est toujours un peu plus friendly. On prend des verres de champagne, assis à une table. Il y a quelque chose de plus... convivial. Ben, tout à fait. Mm-hmm. Et Ricky Gervais s'est bien amusé une fois de plus cette année à rôtir, disons, l'Assemblée. Mais on va revenir sur les principaux prix qui ont été gagnés, surtout du côté du cinéma, parce que, justement, on s'attendait peut-être à ce que Netflix, les films de Netflix, fassent davantage une razzia du côté des prix, ce qui n'a pas été le cas. Surprise! Alors, on entend ça dans une minute. Bon, là...